Ézéchiel chapitre 3. Puis il me dit, Fils d'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, et t'en va, et parle à la maison d'Israël. J'ouvris donc ma bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, Fils d'homme, repais ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je le mangeai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Puis il me dit, Fils d'homme, lève-toi, et va vers la maison d'Israël, et leur prononce mes paroles. Car tu n'es point envoyé vers un peuple de langage inconnu, ou de langue barbare, c'est vers la maison d'Israël. Ni vers plusieurs peuples de langage inconnu, ou de langue barbare, dont tu ne puisses pas entendre les paroles, si je t'eusse envoyé vers eux, ne t'écouterait-il pas? Mais la maison d'Israël ne te voudra pas écouter, parce qu'ils ne me veulent point écouter, car toute la maison d'Israël est effrontée, et d'un cœur obstiné. Voici, j'ai renforcé ta face contre leur face, et j'ai renforcé ton front contre leur front. Et j'ai rendu ton front semblable à un diamant, et plus fort qu'un caillou, ne les crains donc point, et ne t'effraie point à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Puis il me dit, Fils d'homme, reçois dans ton cœur, et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Lève-toi donc, va vers ceux qui ont été emmenés captifs, va vers les enfants de ton peuple, parle-leur, et leur dis que le Seigneur, l'Éternel, a ainsi parlé, soit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en fassent rien. Puis l'Esprit m'éleva, et jouit après moi une voix qui me causa une grande émotion, disant, Béni soit de son lieu la gloire de l'Éternel. Et jouit le bruit des ailes des animaux, qui s'entretouchaient les unes les autres, et le bruit des roues vis-à-vis d'eux, jouit, dis-je, une voix qui me causa une grande émotion. L'Esprit donc m'éleva, et me ravit, et je m'en allai l'Esprit rempli d'amertume et de colère, mais la main de l'Éternel me fortifia. Je vins donc vers ceux qui avaient été transportés à Tel Abib, vers ceux qui demeuraient auprès du fleuve de Chébar, et je me tins là où ils se tenaient, même je me tins là parmi eux 7 jours, tout étonné. Et au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, je t'ai établi pour surveillant à la maison d'Israël, tu écouteras donc la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand j'aurai dit aux méchants, tu mourras de mort, et que tu ne l'auras point averti, et que tu ne lui auras point parlé pour l'avertir de se garder de son méchant train, afin de lui sauver la vie, ce méchant la mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Que si tu as averti le méchant, et qu'il ne se soit point détourné de sa méchanceté, ni de son méchant train, il mourra dans son iniquité, mais tu auras délivré ton âme. Pareillement, si le juste se détourne de sa justice, et commet l'iniquité, lorsque j'aurai mis quelque obstacle devant lui, il mourra, parce que tu ne l'auras point averti, il mourra dans son péché, et il ne sera point fait mention de ses justices qu'il aura faites, mais je redemanderai son sang de ta main. Que si tu avertis le juste de ne point pécher, et que lui aussi ne pèche point, il vivra certainement, parce qu'il aura été averti, et toi pareillement tu auras délivré ton âme. Et la main de l'Éternel fut là sur moi, et il me dit, lève-toi, et sors vers la campagne, et là je te parlerai. Je me levai donc, et sortis vers la campagne, et voici, la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que la gloire que j'avais vue auprès du fleuve de Chébar, et je tombai sur ma face. Alors l'Esprit entra dans moi, et me releva sur mes pieds, et il me parla, et me dit, entre, et t'enferme dans ta maison. Car, quant à toi, fils d'homme, voici, on mettra des cordes sur toi, et on t'enliera, et tu ne sortiras point pour aller parmi eux. Et je ferai tenir ta langue à ton palais, tu seras muet, et tu ne les reprendras point, parce qu'ils sont une maison rebelle. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur diras, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, que celui qui écoute, écoute, et que celui qui n'écoute pas, n'écoute pas, car ils sont une maison rebelle.